Le pieux rabbin, légende hébraïque. Près de Damas, dans une pauvre maison de village, loin de ses frères, dans la retraite et dans le silence, vivait un vieux rabbin. Toute sa journée se passait à méditer sur les lois de Dieu, à se créer des pénitences, à s'imposer des jeûnes, à chercher dans ses livres aimés les meilleurs enseignements religieux. Un jour, dans une page d'un de ses livres, il croit voir flamboyer le regard du Seigneur courroucé, et l'angoisse s'empare de son âme. La fête de Pâques approche avec ses joies de printemps. Le pieux rabbin se hâte de mettre sur la table le pain béni, attendant qu'un convive vienne le partager, car la loi dit « Tu accompliras les devoirs d'hospitalité ». Mais personne ne vient. Le rabbin pleure, se frappe la poitrine, s'agenouille sur le seuil de sa porte, puis sort pour chercher lui-même le convive auquel il donnera la boisson et la nourriture. Tout à coup, il aperçoit un pauvre vieux mendiant qui marche avec peine, courbé sur son bâton. Il s'approche de lui, le salue, lui donne le baiser de paix et l'invite à entrer dans sa demeure. Là, il s'empresse de le servir. Il lui apporte de l'eau pour laver ses mains et ses pieds. Puis il lui fait boire son meilleur vin et lui donne son propre lit. Le lendemain, le vieillard se prépare à partir en exprimant à son généreux hôte toute sa reconnaissance. Le rabbin l'arrête et lui dit « Voyageur, que le ciel m'envoie, sois assez bon pour passer encore un jour et une nuit dans ma maison. » Le vieux mendiant qui a été là si bien traité se rend sans peine à cette prière. Mais au milieu de la nuit, le rabbin se lève, s'avance vers lui, armé d'un gros bâton noueux, et le frappe à coups redoublés. « Barbare ! » s'écrie le pauvre vieillard, tout meurtri et tremblant. « Que t'ai-je fait pour que tu remplisses ainsi envers moi les devoirs de l'hospitalité ? Pardon, pardon !» lui dit avec un accent d'humilité et de componction le rabbin. Puis il lui baise les mains et se met à panser ses blessures, et jour et nuit veille sur lui avec une touchante sollicitude. Le vieillard étant par tous ses bons soins complètement guéri, se dispose de nouveau à partir. De nouveau le rabbin lui dit « Voyageur, que le ciel m'envoie, sois assez bon pour passer encore un jour et une heure en ma maison. » La nuit suivante, de nouveau, il se lève et s'approche du lit du mendiant, non plus cette fois avec un bâton pour le meurtrir, mais avec une hache pour le tuer. Le vieillard, cependant éveillé en sursaut, lui arrache des mains l'arme meurtrière et lui dit « Quelle est donc ta folie ? Tu engages l'étranger à s'asseoir amicalement à ton foyer, puis tu le bats, puis tu veux le tuer. » Le rabbin le regarde tout effaré et lui dit « Écoute et pardonne. Ce que j'ai fait, c'était pour obéir au livre de la loi qui nous recommande 3 devoirs principaux. » Pratiquer l'hospitalité, soigner les malades, ensevelir les morts. Tu entres dans ma demeure et je remplis le devoir d'hospitalité. Mais je n'avais pas de malade à soigner et pour que tu fusses malade, je te frappais avec un lourd bâton. Je n'avais point de mort et je voulais te tuer. Oh malheur! Je sens que mon dernier jour est venu et je n'ai pu remplir le dernier des 3 commandements. » À ces mots, il pâlit, s'affaisse et tombe. Un ange descend près de lui, délivre son âme des liens de ce monde et s'écrie « Mortels insensés, le Seigneur vous a écrit ses saintes lois au fond du cœur et vous les cherchez dans les livres obscurs. Vous courez après la lumière trompeuse de la terre et vous ne voyez pas la lumière céleste qui luit sur votre tête. »